Poil de carotte, l'hameçon. Poil de carotte est en train d'écailler ses poissons. Des goujons, des ablettes et même des perches. Il les gratte avec un couteau, leur fend le ventre et fait éclater sous son talon les vessies doubles transparentes. Il réunit les vidures pour le chat. Il travaille, se hâte, absorbé, penché sur le seau blanc d'écume et prend garde de se mouiller. Madame Lepic vient donner un coup d'œil. « À la bonne heure, » dit-elle, « tu nous as pêché une belle friture aujourd'hui. Tu n'es pas maladroit quand tu veux. » Elle lui caresse le cou et les épaules, mais comme elle retire sa main, elle pousse des cris de douleur. Elle a un hameçon piqué au bout du doigt. Sœur Ernestine accourt. Grand frère Félix la suit, et bientôt, Monsieur Lepic lui-même arrive. « Montre-voir, » disent-il. Mais elle serre son doigt dans sa jupe, entre ses genoux, et l'hameçon s'enfonce plus profondément. Tandis que grand frère Félix et sœur Ernestine la soutiennent, Monsieur Lepic lui saisit le bras, le lève en l'air, et chacun peut voir le doigt. L'hameçon l'a traversé. Monsieur Lepic tente de l'ôter. « Oh non, pas comme ça !» dit Madame Lepic d'une voix aiguë. En effet, l'hameçon est arrêté d'un côté par son dard et de l'autre côté par sa bouche. Monsieur Lepic met son lorgnon. « Diable, » dit-il, « il faut casser l'hameçon. » « Comment le casser ?» Au moindre effort de son mari, qui n'a pas de prise, Madame Lepic bondit et hurle. « On lui arrache donc le cœur, la vie !» D'ailleurs, l'hameçon est d'un acier de bonne trempe. « Alors, » dit Monsieur Lepic, « il faut couper la chair. » Il affermit son lorgnon, sort son canif et commence de passer sur le doigt une lame mal aiguisée, si faiblement qu'elle ne pénètre pas. Il appuie, il sue, du sang paraît. « Oh là, oh là !» crie Madame Lepic, et tout le groupe tremble. « Plus vite, papa !» dit sœur Ernestine. « Ne fais donc pas ta lourde comme ça !» dit grand frère Félix à sa mère. Monsieur Lepic perd patience. Le canifre déchire, si au hasard, et Madame Lepic, après avoir murmuré « Boucher, boucher !» se trouve mal. Heureusement. Monsieur Lepic en profite. Blanc, affolé, il charcute, fouille la chair et le doigt n'est plus qu'une plaie sanglante d'où l'hameçon tombe. Ouf! Pendant cela, Poil de carotte n'a servi à rien. Au premier cri de sa mère, il s'est sauvé. Assis sur l'escalier, la tête entre ses mains, il s'explique l'aventure. Sans doute, une fois qu'il lançait sa ligne au loin, son hameçon lui est resté dans le dos. « Je ne m'étonne plus que ça ne mordait pas, » dit-il. Il écoute les plaintes de sa mère et, d'abord, n'est guère chagriné de les entendre. Ne criera-t-il pas à son tour tout à l'heure, non moins fort qu'elle, aussi fort qu'il pourra, jusqu'à l'enrouement, afin qu'elle se croie plutôt vengée et le laisse tranquille. Les voisins attirés le questionnent. « Qu'est-ce qu'il y a donc, Poil de carotte ?» Il ne répond rien. Il bouche ses oreilles et sa tête rousse disparaît. Les voisins se rangent au bas de l'escalier et attendent les nouvelles. Enfin, Madame Lepic s'avance. Elle est pâle comme une accouchée et fière d'avoir couru un grand danger. Elle porte devant elle son doigt emmailloté avec soin. Elle triomphe d'un reste de souffrance. Elle sourit aux assistants, les rassure en quelques mots et dit doucement à Poil de carotte. « Tu m'as fait mal, va, mon cher petit. Oh, je ne t'en veux pas. Ce n'est pas de ta faute. » Jamais elle n'a parlé sur ce ton à Poil de carotte. Surpris, il lève le front. Il voit le doigt de sa mère enveloppé de linge et de ficelle, propre, gros et carré, pareil à une poupée d'enfant pauvre. Ses yeux secs s'emplissent de larmes. Madame Lepic se courbe. Il fait le geste habituel de s'abriter derrière son coude, mais, généreuse, elle l'embrasse devant tout le monde. Il ne comprend plus. Il pleure à pleins yeux. « Puisqu'on te dit que c'est fini, que je te pardonne, tu me crois donc bien méchante ?» Les sanglots de Poil de carotte redoublent. « Es-tu le bête ? On jurerait qu'on l'égorge, » dit Madame Lepic, au voisin attendri par sa montée. Elle leur passe l'hameçon, qu'ils examinent curieusement. L'un d'eux affirme que c'est du numéro 8. Peu à peu, elle retrouve sa facilité de parole et elle raconte le drame au public, d'une langue volubile. « Ah, sur le moment, je l'aurais tué, si je ne l'aimais tant. » Est-ce malin, ce petit outil d'hameçon? J'ai cru qu'il m'enlevait au ciel. Sœur Ernestine propose d'aller l'encrotter loin, au bout du jardin, dans un trou, et de piétiner la terre. Ah, mais non, dit grand frère Félix, moi je le garde. Je veux pêcher avec, bigre. Un hameçon trempé dans le sang à maman, c'est ça qui sera bon. Est-ce que je vais les sortir, les poissons? Malheur, des gros comme la cuisse. Et il secoue Poil de Carotte qui, toujours stupéfait d'avoir échappé au châtiment, exagère encore son repentir, rend par la gorge les gémissements rauques et lave à grand eau les taches de sa laine figure à claque.